الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد désolé frère pour le retard. Donc lors de la première partie du cours, on a cité les différentes façons, on a cité tout d'abord les preuves de la guérison du Coran dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, on a cité les différents hadiths du prophète alayhi salatu wa salam qui prouvent que le Coran est bel et bien une guérison. On a ensuite cité les différentes façons par lesquelles l'on obtient la guérison par le Coran. On va maintenant parler des caractéristiques dont doit être doté le raqi, celui qui lit. Awalan sihhatul mu'taqad. Il doit avoir une bonne croyance. Sa croyance doit être conforme à la croyance des pieux prédécesseurs, conforme à la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Allah Azza wa Jal dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, que ne les touche une tentation ou qu'ils ne soient touchés par un châtiment douloureux. Et la plus grande des contradictions, et bien sûr, le fait de commettre le shirk, que ce soit le grand ou le petit, puis de commettre les innovations, puis de commettre les grands péchés. Car comme l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, concernant la gravité des péchés, en premier lieu, il y a le grand polythéisme, ensuite il y a le petit polythéisme, ensuite il y a les innovations. Les innovations sont donc plus graves que les grands péchés. Et ensuite les grands péchés. Deuxièmement, le raqi doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit faire sa ruqya en espérant la face d'Allah azza wa jal et en espérant la récompense d'Allah azza wa jal. Et il doit espérer la récompense qu'il obtiendra en aidant ses frères, en étant bienfaisant envers eux et en leur permettant de surmonter une épreuve qui les touche. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Que celui d'entre vous qui a la possibilité de faire du bien à son frère, qu'il le fasse. Troisièmement, il doit faire preuve de droiture dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit préserver les obligations comme le tawhid. Il doit prendre soin de ses prières. Et de façon générale, il doit accomplir tout ce qu'Allah azza wa jal lui ordonne de faire. Également, ce raqi doit faire beaucoup d'œuvres surérogatoires, car les œuvres surérogatoires permettent ou sont une cause qui vont permettre ou qui vont te permettre et permettre au raqi d'obtenir la protection d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant du dans le hadith Qudusi, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui porte atteinte à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et Allah Azza wa Jal donne la caractéristique de ce serviteur qui bénéficie de la protection d'Allah Azza wa Jal. Wa la yazalu rajulu أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. Et il n'y a pas une chose plus aimée auprès de moi que mon serviteur qui accomplit les ordres et les devoirs que je lui impose. Quatrièmement, le raqi doit s'éloigner de toute forme de désobéissance à Allah Azza wa Jal. Car lorsque tu désobéis à Allah Azza wa Jal, cela a des conséquences néfastes. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce ne soit le fruit de ce que vos mains ont commis. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Et Allah Azza wa Jal est indulgent sur énormément de péchés que l'on commet. Cinquièmement, ce raqi doit avoir une foi grande et doit s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit avoir une relation forte et solide avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. En s'en remettant à lui, Azza wa Jal, en plaçant sa confiance en Allah, en évoquant beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala et de façon plus précise, en lisant beaucoup le Qur'an, ce Qur'an qui est une lumière, une miséricorde et une guérison, comme nous l'avons démontré auparavant. Il doit préserver et faire en sorte de dire en temps et en heure ces rappels et ces invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les rappels et les invocations du matin, les rappels et les invocations du soir. Et ce raqi doit également souvent demander à Allah azza wa jal de le protéger. Le raqi, celui donc qui lit, se doit également d'avoir la croyance ferme et résolue que le Coran est une guérison pour toutes les maladies. Et que lorsque les causes sont réunies et lorsque les obstacles sont levés, alors le Coran est une guérison par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette guérison peut arriver dans l'immédiat, comme elle peut arriver un peu plus tard, lorsque toutes les causes ne sont pas réunies ou lorsque tous les obstacles ne sont pas levés. Également, le raqi doit faire sa ruqyah conformément à la science légiférée. Sa ruqyah doit être conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit s'éloigner de toute forme de polythéisme, de toute forme d'innovation et de toute forme méconnue dans notre noble religion. Le raqi doit également appeler à Allah Azza wa Jal, ordonner le bien et interdire le mal. Notamment, lorsqu'il constate que le malade désobéit à Allah Azza wa Jal, il se doit de le conseiller. Il se doit de l'orienter afin que ce malade se réforme. Sa ruqya doit être constituée de versets du Coran ou de ce qui est rapporté de façon authentique comme formules et invocations dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le raqi doit se contenter de cela et ne rien ajouter d'autre comme formule ou incantation qui ne sont présentes ni dans le livre d'Allah Azza wa Jal ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam la suffisance. Le raqi doit également protéger l'intimité du malade. Et lorsqu'il voit des choses intimes ou des choses dérangeantes, eh bien, il ne se doit pas de les divulguer. Et il doit préserver l'intimité du malade et préserver ses secrets également. Sauf bien sûr lorsqu'il y a un besoin de divulguer certaines choses, notamment aux proches, à la proche famille de ce malade. Lorsqu'il y a un besoin de divulguer telle et telle information sensible ou extrêmement personnelle, alors il a le droit de le faire, sinon qu'il s'en abstienne. Le raqi doit également faire en sorte d'entretenir le moral du malade et lui faire espérer la guérison, de mettre le malade dans des bonnes conditions. Et cela est prouvé qu'un malade qui a un bon moral s'en remet beaucoup plus vite et de façon meilleure que celui qui sombre dans la dépression. Un bon raqi n'est pas celui qui va faire comprendre ou qui va dire même ouvertement au malade que son cas est désespéré, que par exemple le djinn qui est en lui est extrêmement coriace et qu'il ne pense pas pouvoir avoir le dessus sur lui un jour ou l'autre. Non, toujours faire espérer le malade, lui faire espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, lui montrer la grandeur et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux caractéristiques du malade, elles sont en partie similaires à celles qui doivent être présentes chez le raqi. Le malade doit avoir une bonne croyance, conforme à la croyance des pieux prédécesseurs. Il doit rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit faire preuve de droiture dans l'obéissance à Allah subhanahu. Il doit s'éloigner des péchés. Il doit avoir une relation forte avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il doit lui aussi avoir la ferme résolution que le Coran est bel et bien une guérison. Et il doit savoir qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui procure le bien et qui peut ôter le mal. Et que si guérison il y a, cette guérison provient de la parole d'Allah Azza wa Jal et non pas du raqi qui récite. Également, le malade ne doit pas s'empresser et être impatient d'obtenir la guérison. Il ne doit pas désespérer lorsque la guérison tarde à venir. On l'a vu dans les hadiths précédents que certains compagnons, notamment ce compagnon qui a fait la ruqya à ce possédé qui avait perdu la raison, qu'il avait fait la ruqya sur lui pendant 3 jours. Au début de la journée et à la fin de la journée. Il faut donc continuer à lire autant que cela est nécessaire et ne pas désespérer et ne pas être pris de lassitude. Également, le malade ne doit pas demander à ce que la lecture s'arrête lorsqu'il est pris de fatigue ou lorsqu'il est pris de crise d'angoisse ou toute autre forme de mal-être, car ceci fait partie des ruses du diable afin de détourner le malade de la guérison à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le malade doit faire preuve de patience et doit espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal dans le mal qui le touche. Et il doit avant tout accepter le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné. Le malade doit également avoir le bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la certitude qu'Allah azza wa jal va le guérir et il doit attendre l'issue favorable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le malade ne doit pas se rendre chez n'importe quel raqi, quelle que soit sa croyance, quelle que soit la méthode que ce raqi utilise. Non, il doit accepter que la personne lise sur lui lorsqu'il s'est assuré de sa bonne croyance, lorsqu'il s'est assuré que ce raqi ne va pas utiliser des méthodes maléfiques pour obtenir ou pour demander sa guérison. Il se doit de s'assurer que ce raqi va faire la ruqya conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les choses interdites qui doivent être abstenues, dont on doit s'abstenir en matière de ruqya, afin de ne pas tomber dans le péché, afin de ne pas contredire les enseignements de notre noble religion? Tout d'abord, il faut faire attention à la tentation de l'argent. Et ceci s'adresse plus particulièrement à ceux qui font la ruqya. Que le but de la ruqya ne soit pas de s'enrichir et d'amasser les biens de cette vie d'ici-bas. Car l'être humain aime l'argent et agit en conséquence. L'être humain aime l'argent de même qu'il fait preuve d'avarice lorsqu'il s'agit de dépenser. Sauf celui qu'Allah Azza wa Jal a comblé de sa miséricorde. Allah Azza wa Jal dit, en parlant de l'être humain de façon générale, en tant que genre, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ, et il aime énormément le bien. Et les mufassiroun ont expliqué al-khayr dans ce verset de Sourate al-Adiyat comme étant al-mal, comme étant les biens et l'argent. Allah Azza wa Jal, dans Sourate al-Imran, nous montre cela également. Zuyina lin-nasi hubbu shahawat. On l'a embelli aux gens les tentations. Minan nisa'i wal banin, parmi les femmes et les enfants. Wal qanatir al muqantara, le trésor thésaurisé d'argent et d'or, jusqu'à la fin du verset. Et beaucoup de personnes qui font la ruqya sont tombées dans ce trou noir, sont tombées dans cette espèce de guet-apens. Son but est de ramasser l'argent. Les séances de ruqya à 50 euros, à 100 euros. Ils font même des séances de ruqya collective pour optimiser au mieux son temps et surtout pour gagner plus d'argent. Cela ne fait pas partie de la voie des salafs. Effectivement, comme l'on l'a vu précédemment, il est autorisé d'obtenir une récompense suite à une ruqya, mais de façon mesurée, et non pas en faire un gagne-pain voire d'en faire un moyen d'enrichissement. Et malheureusement, les gens étant attirés par l'argent sont tombés dans ce fléau qui malheureusement ne cesse d'augmenter et de s'étendre. La deuxième chose dont il faut prendre garde, c'est la tentation des femmes. Et ceci est également adressé à ceux qui font la ruqya, de ne pas être tentés par les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut notre bien, tout notre bien, nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih, « Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. » Je n'ai pas laissé derrière moi une tentation aussi néfaste pour les hommes que les femmes. La tentation des femmes est une tentation redoutable et destructrice pour l'homme. Le musulman se doit donc de se prémunir. Et le prophète ﷺ nous dit « Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa » Prenez garde à cette vie d'ici-bas et prenez garde aux femmes. Ceux qui font donc la ruqya doivent donc faire attention à la tentation des femmes et ne pas toucher des femmes étrangères pendant la ruqya, de ne pas rester seuls avec elles. Car lorsqu'un homme reste avec une femme tête à tête, le troisième est le diable, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lorsqu'un raqi fait la ruqya à une femme, il ne doit sous aucun prétexte la toucher. Et il ne doit faire la ruqya qu'en présence d'un mahram de cette femme. Et que les femmes ne se fassent pas duper et qu'elles mettent leur naïveté de côté lorsque des ruqats, des hommes qui font la ruqya, leur sortent des arguments qui ne se soutiennent pas les uns les autres, en disant que c'est une dérogation, en disant que c'est pour son bien, en disant que c'est une personne pieuse, et que jamais il n'oserait faire de mal, etc., etc. Combien de femmes ont été victimes, wal'iyadu billah, d'attouchements par des soi-disant personnes pieuses qui sont venus leur faire la ruqya, et que les tuteurs et ceux qui ont sous leur tutelle des femmes prennent leurs responsabilités, et que eux aussi ne soient pas naïfs lorsque le raqi se met à toucher la femme en disant que des savants l'ont autorisé ou en utilisant d'autres arguments. Un raqi ne touche jamais une femme. Et un raqi ne fait jamais la ruqya à une femme seule. Et le raqi doit également, lorsqu'il fait la ruqya à une femme, de demander à ce qu'elle se couvre et de baisser le regard. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont ces croyants à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de baisser le regard? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont les meilleurs de cette communauté après les prophètes envoyés d'Allah. À eux, on leur demande de baisser le regard. Qui es-tu, ô toi le raqi, qui ne baisse pas le regard lorsque tu fais la ruqya à une femme? Ne te sens-tu pas concerné par ce verset? Ou alors, Penses-tu que tu es meilleur ou plus pieux que les compagnons du prophète alayhi salat wa salam? Le raqi ne doit pas demander l'aide ni au djinn, ni au diable. Car rien, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les paroles des compagnons, ne prouve cela. Et celui qui ouvre cette porte, ouvre la porte d'un mal immense. Car comment pourrais-tu discerner entre le djinn qui te dit la vérité et celui qui te ment? Tu as affaire à des êtres qui sont invisibles pour toi. Tu n'as aucun moyen de savoir, lorsqu'un djinn te parle, s'il te dit la vérité ou s'il te ment. Et les savants considèrent que l'hypnose est interdite en islam. Car dans l'hypnose, il y a une forme d'entraide avec le djinn de près ou de loin. Et les fatwas de la Lajna Da'ima à ce sujet est plus que claire. Également, le raqi ne doit pas être dupé par le grand nombre de personnes qui le sollicitent. Car ceci peut être une ruse du diable. Et ceci peut faire en sorte qu'il se dupe lui-même et qu'il se pense meilleur que les autres et qu'il, par la suite, s'autorise des choses que la religion ne lui autorise pas. Le raqi, également parmi les choses dont on doit s'abstenir, le fait d'émettre des jugements concernant un malade sans science, en décrétant que tel malade est touché par telle et telle forme de sorcellerie, en décrivant des détails, etc., etc., sans que cela ne soit fondé. Et ceci peut avoir un impact néfaste sur le malade. Également, s'abstenir d'outrepasser les limites dans le fait de frapper et de ne pas utiliser des moyens, les gros moyens comme par exemple l'électrocution ou l'étranglement ou toute forme de châtiment corporel que certains ruqats infligent aux malades et que, soi-disant, le malade ne sent rien, mais c'est uniquement le djinn qui est châtié. Le raqi doit également s'abstenir de lire sur plusieurs malades en même temps, car cela a des effets destructeurs sur les malades. Et cela peut même, comme cela s'est avéré à plusieurs reprises, peut même accentuer la maladie de celui qui se plaint lorsqu'il voit des gens autour de lui qui réagissent de telle et telle façon. Cela lui fait peur et cela a des conséquences néfastes. Et la fatwa de la Lajna Da'ima est claire également à ce sujet. La lecture via des haut-parleurs ou par téléphone ou à distance n'est pas autorisée en islam. La ruqya se fait en présence du malade. Les ruqya à distance ne sont pas légiférées comme cela est la fatwa de la Lajna Da'ima également. Parmi les choses dont le raqi se doit de s'abstenir, le fait de châtier le djinn par le feu, cela est interdit, car ne châtie par le feu que le Seigneur du feu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith à ce sujet est authentique et rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad rahimahullah. Une autre chose dont il faut s'abstenir, et l'on terminera par ceci inshallah ta'ala, le fait d'écrire sur des feuilles le Coran ou d'écrire des rappels et des invocations et de placer ces feuilles sur le corps du malade. Ceci est interdit en islam, car cela relève des talismans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le port du talisman est du polythéisme. Voilà de façon abrégée les règles qui régissent la guérison par le Coran. Que la guérison par le Coran est une chose avérée. C'est une chose qui relève de la croyance du musulman. Elle est appuyée par des versets du Coran, par des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et pour que la guérison puisse avoir lieu, il y a des conditions qui doivent être réunies et il y a des obstacles qui doivent être levés. Et que la recherche de la guérison à travers le Coran n'amène pas le musulman à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à outrepasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées. Voilà le rappel que je voulais faire à moi-même à ce sujet et dont je voulais vous faire partager également, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la science bénéfique qui est suivie d'œuvres pieuses, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout mal, du mal des diables parmi les djinns et les humains. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de protéger l'ensemble des musulmans, de protéger nos familles et nos enfants du mal de ceux qui portent le mal en eux. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.